Votre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nos ancêtres aimaient-ils leurs enfants? Les historiens et les historiennes se penchent sur la question depuis des décennies. En réalité, l'interrogation est plutôt comment nos ancêtres aimaient leurs enfants. D'ailleurs, le questionnement peut être étendu à la manière de voir les bambins. Les enfants de nos ancêtres, ce sont donc nos propres ancêtres, étaient-ils beaux ou bien étaient-ils laids? Parce que quand nous nous baladons dans les salles de nos musées, celles consacrées au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, au XVIe siècle, nous sommes parfois surpris de découvrir, sur une Vierge à l'enfant, un petit Jésus terriblement vieillard. Oh là là, que c'est troublant! Loin du chérubin potelé, c'est un bébé tout musclé. Loin de la chair rose d'un visage angélique, c'est un regard sévère sur un visage ridé qui se pose sur nous. Dérangeant. Ah tiens, si, là, il y a une Madone avec un Jésus acceptable. Sa mère le regarde avec douceur, il fait de même. Nous voici rassurés. La Renaissance serait-elle une nouvelle naissance pour l'enfant ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux âges de l'enfance, des marmots médiévaux aux bambins de la Renaissance, jusqu'à l'invention de l'adolescence. Mais quel regard portaient les adultes sur leurs enfants? Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, enfance, renaissance, est-ce que le XVIe siècle est une rupture dans le regard porté sur l'enfant? Avec vous, Fabien Lacouture, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, chargé de cours en histoire de l'art évidemment. Votre thèse s'intitulait « Représenter l'enfant en Italie du Nord et Italie centrale, 14e, 16e siècle ». Dites-nous, quand on choisit un sujet de thèse avec des bornes chronologiques, souvent on distingue une évolution, une rupture. Quelle est cette rupture 14e, 16e siècle en Italie du Nord dans la manière de représenter l'enfant? Écoutez, une rupture qui est assez lente finalement, puisqu'on a, on va commencer au tout début du 14e siècle avec une présence des enfants dans des foules, peut-être plus dans l'idée de représenter une variété de justement de ces foules avec à la fois tous les âges de la vie, tous les genres également de la foule, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et puis, petit à petit, une vraie prise en compte de l'enfant dont on s'aperçoit, notamment à travers des portraits d'enfants qui commencent à être commandés à partir du début du 15e siècle. De plus en plus de portraits d'ailleurs, de plus en plus de portraits de famille également, avec l'intérêt de savoir où sont placés les enfants par rapport aux parents, entre les frères et les sœurs notamment. Donc on voit un vrai regard qui s'interroge sur les enfants, on va dire existant dans les portraits qu'on peut identifier, même si maintenant ça devient un peu plus compliqué par manque de sources, mais également une réflexion sur la santé de l'enfant, par exemple, des enfants qui meurent et qui sont ressuscités par des saints également, savoir comment ils sont morts, comment ils sont ressuscités. Donc vraiment un spectre assez large de représentation, assez hétérogène d'ailleurs, mais qui est assez intéressant à étudier. Et tous les auditeurs auditrices l'ont vécu en se baladant dans les musées. C'est vrai que l'on voit des enfants sur ces tableaux, mais ils sont parfois étonnamment représentés. Quelle place avait l'enfant au XVIe et puis XVIIe, XVIIIe siècle? Et là, il faut évoquer un historien majeur, Philippe Ariès, qui a écrit L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. C'était en 1960. Et Philippe Ariès, vous le connaissez bien par son œuvre. Guillaume Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Université de Toulouse 2, l'auteur d'une thèse sur Philippe Ariès qui est publiée aux presses universitaires du Septentrion. Vous avez classé les archives Ariès. Quelles sont ces archives? Alors, en fait, il y a deux parties. Une partie qui était des archives administratives, c'est-à-dire peu, celles que l'on trouve à l'EHESS où il a été finalement élu en 1978. Et l'autre partie, ce sont essentiellement des archives familiales qui, au départ, étaient détenues par sa sœur Marie-Rose Ariès, que j'ai pu convaincre de léguer à l'EHESS en vue d'un versement aux archives nationales. Donc, le classement est fait. L'inventaire est terminé et le classement est en cours. Voilà. Voilà. Donc, l'école des hautes études en sciences sociales a permis de, voilà. Et il y avait une petite partie également au seuil, puisque vous savez que c'est le seuil qui, dans les années 70, entreprend de rééditer tous les principaux ouvrages dans des versions abrégées et dans des versions complètes pour l'enfant et la vie familiale en 1973. Eh bien, pour explorer le regard que les adultes portaient sur les enfants, sur la représentation de l'enfant, je vous propose de faire un détour pour aller à la rencontre de deux Michel. Oui, deux Michel. Le premier est philosophe et humaniste, le second est comédien, sans doute humaniste aussi. C'est Michel de Montaigne, lu par Michel Piccoli, car dans les essais de Montaigne, et oui, il est question de l'enfant. À notre enfant, un cabinet, un jardin, la table et le lit, la solitude, la compagnie, le matin et le soir, toutes heures lui seront identiques. Toutes places lui seront études, car la philosophie, qui comme formatrice des jugements et des mœurs sera sa principale leçon, a ce privilège de se mêler partout. Aussi, notre leçon, se passant comme par rencontre, sans obligation de temps et de lieu, et se mêlant à toutes nos actions, se coulera sans se faire sentir. Les jeux mêmes et les exercices seront une bonne partie de l'étude. La course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bienséance extérieure et l'entre-gens et la disposition de la personne se façonnent en même temps que l'âme. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse. C'est un homme. Michel Piccoli, qui lit Michel de Montaigne, un extrait des essais qui s'intéresse à l'enfant. Fabien Lacouture, avec Montaigne, nous sommes dans un cas particulier, sinon ce ne serait pas Montaigne. C'est sûr que là, dans l'attention portée à l'éducation de l'enfant, nous sommes au XVIe siècle, nous sommes en marge dans ce que propose Montaigne. C'est une nouveauté, cette attention portée à cette forme d'éducation, avec de la philosophie, mais également tout un travail du corps. C'est pas tant une nouveauté, c'est une tradition qui remonte assez, non pas assez loin quand même, mais on trouve dès le XIIIe siècle, le XIVe siècle, et vraiment avec une grande partie au XVe siècle, de nombreux, et notamment en Italie particulièrement, de nombreux traités d'éducation qui réfléchissent à cette question et qui prennent en compte vraiment l'enfance comme un âge à part entière, avec une réflexion sur comment est-ce que l'enfant doit être éduqué, et finalement avec des idées que l'on penserait assez moderne, justement. Par exemple, le fait de laisser venir un enfant, de laisser voir s'il serait, par exemple, plutôt attiré par les lettres ou plutôt attiré par des exercices physiques, et de le laisser aller sur son chemin, et ensuite d'appliquer un programme éducatif sur cet enfant. C'est vraiment tout le travail des humanistes en Italie, et c'est quelque chose, finalement, quand on le lit maintenant, d'assez moderne. Oui, ça fonctionne très bien. Bon, Montaigne, c'est vrai, a un écho avec notre temps sans aucun souci. Quel regard était porté sur l'enfant? Ou autrement dit, Fabien Lacouture, comment on peut définir un enfant au XVIe siècle? Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, c'est un être, à part. Il faut vraiment le penser tel quel. C'est un être qui est évidemment amené à grandir. C'est un être aussi en danger. Ça, c'est un autre débat qui n'est pas le débat éducatif, mais ça reste un être en danger dont on réfléchit à comment lui faire passer ses premières années. Mais sur le point de vue éducatif, c'est vraiment un être à construire, en lui laissant aussi sa part de choix, ou de choix naturel presque, on pourrait dire, et aussi en lui laissant une part de jeu. On voit bien vraiment dans les traités d'éducation à quel point les jeux, alors ce sont des jeux toujours des jeux en vue d'une éducation, mais voilà, comme le dit Montaigne, monter à cheval, des jeux qui préparent aussi forcément peut-être à la guerre, puisqu'on s'adresse aussi à une certaine catégorie sociale, des enfants issus d'une certaine catégorie sociale, mais on a encore des choses, comme je disais, vraiment assez modernes, auxquelles on ne penserait peut-être pas quand on pense à un enfant des siècles passés. Peut-on dire, Fabien Lacouture, qu'au XVIe siècle, l'enfant est un adulte en puissance, en fait? Est-ce qu'on projette déjà sur l'enfant son devenir? Bien sûr, on le projette encore plus en termes de représentation. Et justement, parce que ce sont des représentations, parce que ce sont des tableaux, des portraits notamment, les parents qui commandent ces portraits, puisque évidemment le commanditaire est important, implique et met dans la commande ce qu'il veut représenter de son enfant, l'effet de son éducation, l'effet de l'éducation donnée à son enfant, et ce qu'il les potentialités de vertu qu'il aura en tant qu'adulte. Après, certains artistes, certains peintres ont une finesse, assez de finesse psychologique pour arriver à glisser certains éléments qui sont essentiels de l'enfant, le jeu, le mouvement, dans certains portraits qui, au contraire, sont régis par des questions comme la pose, notamment. Fabien Lacouture, dans les représentations que nous avons de l'enfant sur les tableaux de cette période du XVIe siècle, par exemple, c'est vrai que nous avons énormément de Christ, c'est-à-dire dans la figure de la Vierge à l'enfant. C'est la figure de l'enfant qui domine, j'imagine. C'est la figure de l'enfant qui domine, c'est aussi la figure de l'enfant qui cache les autres enfants. C'était un des questionnements au début de ma thèse, à savoir quoi faire justement de cet enfant auquel on met un E majuscule, le Christ sur soit seul, soit Christ Madone à l'enfant. On a beaucoup d'autres enfants, et notamment si on se tourne vers des représentations plus profanes. On a, comme je vous disais, des portraits, on a des représentations de scènes de naissance également. On a vraiment un spectre très large, et c'est aussi dans ce spectre-là qu'on arrive à déceler plus facilement ce qu'était, ou ce que pouvait être, ou ce que les adultes considéraient comme devant être l'enfant, avec, je vous dis, à la fois la position du commanditaire qui commande le portrait, et la position du peintre également, à ne jamais oublier. C'est vrai que dans la Renaissance, nous avons toujours cette image d'une volonté d'être plus réaliste. Nous passons d'une représentation, on va dire médiévale, avec beaucoup de codes et de schémas, et la Renaissance insiste sur une forme de réalisme, de reproduire éventuellement, de montrer un sentiment. Est-ce que cela vaut pour l'enfant ? Cela vaut pour l'enfant, même s'il faut toujours bien considérer les œuvres, les tableaux, comme aussi un ensemble de codes. Et un ensemble de codes, justement, à analyser, à décoder et à jamais prendre tel quel. Ce ne sont pas, pour peu qu'une photographie soit une représentation de la réalité, ce qui serait à discuter également, mais ce ne sont pas des représentations de la réalité. Il y a une volonté d'arriver à quelque chose de plus réaliste, mais il y a toujours une volonté derrière, de la part du commanditaire notamment, de montrer, quand on pense aux attributs des enfants, quand on, à la fois une hésitation finalement entre représentation plus naturaliste et d'un autre côté une idéalisation aussi. Il y a toujours un objectif, comme vous disiez, un enfant, un adulte en devenir. Il y a les deux se battent au sein d'une même représentation. Et vous, historien d'art, comment vous arrivez à trouver la voie entre ces deux chemins, entre ce qui doit être montré par la demande du commanditaire, et puis ce que l'historien, historien d'art, peut en tirer comme information sur l'enfant au XVIe siècle, par exemple ? Alors déjà, en voyant beaucoup d'œuvres, on voit à la fois les invariants dans les types de représentations, et parfois, chez certains artistes, au contraire, des particularités, des particularismes dans la représentation. En comparant aussi les œuvres picturales ou sculpturales d'ailleurs avec des textes de l'époque, que ce soit justement les traités pédagogiques dont on parlait, que ce soit des traités médicaux aussi ou des témoignages que l'on a un peu plus directs, que l'on retrouve par exemple notamment en Italie mais aussi dans d'autres pays. Et puis il y a les travaux des historiens, notamment ceux de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, c'est son ouvrage de 1960. Nous allons écouter Philippe Ariès qui en février 1962 évoquait la famille. Quand nous parlons aujourd'hui de famille, nous pensons aussitôt au lien sentimental qui unit les époux et les parents et les enfants. C'est le sentiment qui l'emporte. À la fin du Moyen Âge, au contraire, au début des temps modernes, la famille n'évoquait pas couramment ces images affectives. Elle apparaissait comme une société domestique, une association pour la gestion d'intérêts domestiques. Voyez-vous, l'honneur et le patrimoine, tels étaient les deux pôles de la famille ancienne. Le sentiment, la joie de la réunion, le plaisir de faire plaisir, cela comptait peu. Guillaume Gros, vous avez préfacé l'ouvrage que publient les éditions du Cerf, Philippe Ariès, page retrouvée. Dans ce que nous venons d'entendre, le regard porté par Philippe Ariès sur la famille et sur l'enfant sous l'Ancien Régime, nous avons un moment de l'historiographie. Quelle était sa thèse, en gros, à Philippe Ariès ? En quoi il a révolutionné la manière d'étudier cet objet d'étude qu'est la famille et qu'est l'enfant. Alors, il révolutionne le sujet dans la mesure où déjà, c'est lui qui va faire de l'enfant un objet d'histoire. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et la deuxième chose, on peut la relier, je vais partir de ce qu'a dit mon collègue à l'instant, quand il évoque la façon dont on représente les enfants à ce moment-là, donc à cette période de transition qu'est le XVIe siècle, et en le reliant à l'extrait de Montaigne avec l'idée du dressage, c'est l'attention nouvelle qui est portée à l'enfant. Alors évidemment, sur un segment très réduit à ce moment-là, puisqu'on parle essentiellement, on va dire, d'une noblesse, d'une bourgeoisie un petit peu fortunée, qui a les moyens de se mettre en représentation, et ça c'est nouveau, et qui veut montrer finalement une vie de famille. C'est très nouveau, mais c'est très marginal à ce moment-là, mais c'est ce qu'observe Ariès. Et dans l'extrait de Montaigne, c'est l'idée aussi du dressage, c'est-à-dire que le jeu qui jusqu'alors mélangeait les classes sociales se spécialise, c'est exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, se spécialise en particulier dans les collèges jésuites notamment, où il y a l'idée finalement que l'éducation devient quelque chose de sérieux et l'idée presque de classe d'âge vont apparaître progressivement. Donc l'idée d'Ariès, c'est de dire, finalement, on observe au XIXe siècle, parce qu'il c'est un démographe au départ, tout part de l'histoire des populations françaises, il observe un changement majeur dans le rapport à la contraception. L'enfant devient rare. Pourquoi l'enfant devient rare? Eh bien, il devient rare car la famille souhaite une éducation pour lui. Et c'est la naissance de l'affectivité. Si bien qu'il écrit, dans l'histoire des populations françaises, écrit entre 44 et 45, ce qui est assez fascinant, parce que finalement, le livre de l'enfant et la vie familiale, il le porte depuis longtemps, eh bien, finalement, il considère que l'affectivité devient tyrannique au XIXe siècle. Et donc, bien avant les schémas qu'on pouvait avoir, c'est ce moment qui est capital dans l'histoire, et c'est la démographie qui lui a permis de le mettre en place. Et ensuite, toutes ces analyses découlent de ce moment fondateur, qui change le rapport à la famille et qui fait que l'enfant qui jusqu'alors pouvait aller dans la rue, par exemple, sort de la rue pour aller à l'école. Alors, il y a tous les bienfaits qu'il peut y avoir, naturellement. On assiste donc à un processus de scolarisation qui monte en puissance, naturellement, avec les années 30, première phase, puis deuxième phase, on va dire les années 1960, où là, pratiquement toutes les classes d'âge sont scolarisées. Et donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'invention de l'adolescence pour Ariès, c'est le retour d'une classe d'âge qui a jadis existé il y a longtemps au Moyen-Âge, elle est liée à l'enfermement de la jeunesse. L'enfermement de la jeunesse, c'est vrai, c'est une question qui préoccupe Ariès. Philippe Ariès est un historien particulier par ses cheminements, par ses choix politiques. Et puis, c'est le paradoxe, parce qu'il pourrait paraître conservateur dans son environnement social et qu'il est novateur par ses choix. Faut rappeler rapidement qui est Philippe Ariès. Philippe Ariès n'est pas un universitaire. Il a voulu l'être. Il a loupé l'agrégation deux fois, je crois. Deux fois. C'est Philippe Ariès fait des choix qui sont novateurs dans la démarche historique et très tôt d'ailleurs. Complètement, et c'est assez fascinant d'ailleurs, donc il est totalement non universitaire, bien qu'il a préparé à deux reprises l'agrégation, donc il baigne, on va dire, dans l'historiographie. Il a aussi lu la collection des Annales pendant la guerre, et je pense cela a énormément pesé dans sa formation, mais plus fondamentalement, il est issu d'un milieu, moi je vais plus loin, je le dis traditionaliste parce que c'est absolument captivant de voir à quel point il a pu ensuite s'adapter à la modernité. Il est parti avec des hypothèses sur la démographie déclinistes et en réalité il aboutit à l'inverse de ce qu'il pensait. C'est ce que j'ai expliqué précédemment par rapport à la révolution de la démographie du 19e siècle avec la contraception et l'affectivité. Et dans le contexte des années 50, il est repéré par l'Institut National des Études Démographiques et notamment Louis Chevalier et Alfred de Sauvy, qui lui demande de rédiger des articles sur la contraception. Et lui, donc le traditionnaliste issu de ce milieu-là, va écrire des articles d'une modernité incroyable, qui sont toujours réédités et qui sont la matrice, en quelque sorte, de l'enfant et la vie familiale, puisqu'on peut déjà trouver dans ces articles publiés dans la revue Population au début des années 50, grosso modo, les thèses de l'enfant et la vie familiale, lesquelles étaient déjà en germe dans l'histoire des populations françaises publié en 1948, mais je le répète, ce qui est fascinant, rédigé en 44-45 au cœur de l'occupation. Il y a une forme de génie chez ce personnage dans la capacité à trouver des sujets qui peuvent toucher le public. Et les appréhender sur la longue durée en utilisant, c'est vrai, différentes méthodes, en portant son regard sur l'enfant du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Regardez une petite abeille. France Culture, le cours de l'histoire. Cueillons une belle fleur bleue. Et bleue. Oui, une bleue. Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au regard qui était porté sur les enfants et également à la manière de représenter ces enfants de la Renaissance, ces enfants de ce qu'on appelle l'Ancien Régime des 17e, 18e siècles. Nous allons écouter Robert Mandrou. Robert Mandrou qui, en novembre 1963, donc l'historien Robert Mandrou, dans l'émission Recherche de notre temps, évoquait le prestige de l'enfant. Oui, pour lui, l'enfant naît avec le développement de l'éducation. Le prestige de l'enfant, effectivement, on le voit naître avec les développements de l'éducation. Mais je crois qu'il tient aussi au fait que les données démographiques petit à petit se modifient. La famille du 15e, la famille du 16e, vraiment, est abasourdie sous les coups du sort. Les enfants arrivent, ils meurent, enfin, un sur deux meurt dans la première année, et... Je vois, les livres de raison sont très caractéristiques à cet égard. Le père qui veut raconter sa vie, dans le meilleur des cas, il veut même laisser sa vie en exemple à sa postérité. Le père enregistre ses naissances de la façon la plus froide qui soit, et il enregistre la mort de la même façon. Vous vous trouvez parfaitement dans un livre de raison, un père qui déclare, voilà, le 27 janvier m'est né un fils... que nous avons baptisé aussitôt, bien sûr, il faut se dépêcher de le baptiser parce qu'il risque de vous claquer dans les doigts pendant la semaine qui suit la naissance. Nous l'avons appelé Charles, hein, et puis vous tournez la page, et il est mort. Même enregistrement, vous avez une ligne sur la disparition du bébé. Robert Mandrou, historien, qui parlait en 1963 dans La Recherche de notre temps, une émission radiophonique, et qui évoquait ce prestige de l'enfant. Nous entendons un constat très froid, en fait, le papa qui note de manière nette, carrée, la mort d'un de ses enfants. Fabien Lacouture, dans votre étude que vous avez pu faire sur la représentation de l'enfant, vous travaillez, vous, sur l'Italie principalement, vous voyez le sentiment apparaître. Oui. Absolument, et même pour rebondir sur l'extrait précédent, je dirais qu'il faut toujours prendre en compte le genre de la source, c'est-à-dire qu'évidemment, si on travaille sur un livre de raison, on aura un enregistrement, comme il est dit, net, presque trop sec de et la naissance et la mort de l'enfant. En revanche, toujours par exemple en Italie, à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, on peut trouver par exemple un témoignage d'un homme qui s'appelle Giovanni Morelli, qui nous donne son autobiographie, une autobiographie édifiante en vue d'être laissé à ses enfants, mais dans laquelle il pleure littéralement la mort d'un de ses enfants, parce qu'on est dans une autobiographie qui certes a un but éducatif pour ses enfants, notamment de leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faudra eux-mêmes éduquer leurs propres enfants, notamment d'ailleurs en ne les battant pas, quand même une grande partie dans ce texte sur justement la volonté de ne pas battre les enfants, comme ça pouvait être le cas, mais comme ça pouvait ne pas être le cas aussi, il faut toujours ne jamais dresser de généralité. Donc déjà, dans le type de texte, on s'aperçoit qu'entre un livre de raison et un témoignage autobiographique, on a déjà ce sentiment de sécheresse de vis-à-vis de l'enfant, est assez à nuancer en tout cas. Et dans les tableaux, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on a de toute façon une représentation, donc toujours une volonté de faire passer un message. On n'a jamais une représentation d'un enfant qui serait un enfant, j'allais dire, réel. À un moment, Philippe Ariès dit dans L'enfant et la vie familiale, que l'enfant, à partir du XIIIe siècle, au Moyen-Âge, il arrive, il devient visible, même si ce n'est jamais, alors j'ai plus la phrase exacte, mais même si ce n'est jamais le portrait d'un enfant réel. Le problème, c'est qu'on n'a jamais de portrait d'un enfant réel. Si c'est un portrait, il y a toujours une construction derrière, toujours un message. Donc, il faut essayer d'arriver à analyser les manières de construire ces images. Fabien Lacouture, vous êtes à la pointe de la recherche. Votre thèse est toute récente. Votre thèse représentait l'enfant en Italie du Nord et Italie centrale, 14e, 16e siècle. Mais vous aussi, Guillaume Groux, vous êtes à la pointe de la recherche sur un historien, Philippe Ariès, qui lui l'est moins, hein, parce que le temps a passé. Je le disais, hein, l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime est un ouvrage qui date de 1960. Philippe Ariès n'a pas vieilli, malgré tout. Il a lancé les études autour de l'enfant, il a mis en place l'enfant comme objet d'étude légitime. Bon, ce qu'il avançait est à nuancer aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Effectivement, un certain nombre de critiques ont été faites, notamment par les médiévistes, hein, sur la partie médiévale. Didier Lett, notamment, a écrit une mise au point là-dessus. Mais je dirais que, fondamentalement, si vous voulez, cela ne change strictement rien à la, on va dire, à ce que j'ai appelé le modèle interprétatif de l'enfance que dresse Ariès dans cet ouvrage et qui, bien au-delà des historiens, a irrigué tous les secteurs des sciences humaines, hein, de la sociologie à la psychanalyse, en passant par la philosophie, les sciences de l'éducation se sont emparées de ce modèle, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, en réalité, même un philosophe comme Alain Renaud dans La Libération des enfants ne peut pas considérer de s'aventurer sur ce terrain sans passer, déconstruire le modèle de Philippe Ariès, lequel reste, à mon sens, extrêmement pertinent, que ce soit pour analyser, par exemple, la privatisation de la vie familiale, que ce soit pour analyser, par exemple, la manière dont on occupe, j'en parlais tout à l'heure, la rue aujourd'hui, c'est-à-dire l'enfant est retiré de la rue. Plusieurs articles ont été écrits par Ariès dans ce sens-là, mais également dans la relation avec les parents, avec les grands-parents, puisqu'en fait, en réalité, ce modèle n'est nullement confiné uniquement sur le Moyen-Âge ou l'Ancien Régime, mais c'est une grille de lecture qui permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la durée, et c'est ce champ qui nous permet justement d'éviter cette façon que l'on a aujourd'hui de réagir à chaud sur des événements qui peuvent s'être déjà reproduit dans le temps. Et pour rebondir sur votre extrait tout à l'heure, tout à fait passionnant, Mandrou, qui a d'ailleurs dirigé avec Philippe Ariès une collection chez Plon, Civilisation et Mentalité, qui a publié entre autres Maurice Agulon et Arlette Farge. Des beaux noms. Voilà, absolument, des beaux noms et d'autres, j'en oublie. Le rapport à la famille et à la mort est tout à fait passionnant. À ce moment-là, la famille était courte, on pouvait se remarier plusieurs fois, on avait beaucoup d'enfants, très peu atteignaient en réalité la majorité. Et effectivement, ce modèle-là a permis au démographe Ariès de mesurer à quel point aujourd'hui, au XXe siècle, la famille, dans un temps long, est devenue extrêmement compliquée et que la notion de durée n'était plus la même que celle au XVIe ou XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux âges de l'enfance, de l'enfant à la Renaissance, puis de l'enfant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous vous écoutons l'un et l'autre, Fabien Lacouture, Guillaume Groux, nous entendons parler de modèles interprétatifs et de la représentation des enfants sur les tableaux, dont il faut se méfier, vu que c'est une représentation, il faut se méfier de tout. Tenez, vu que nous parlons d'enfants, il faut passer une comptine. Nous n'irons plus au bois, mais là aussi, il faut se méfier. Cette jolie comptine, mise à la mode au XVIIIe siècle par la Pompadour, en fait, vient du XVIIe siècle, simplement évoquait quand Louis XIV a fermé les bordels. Et oui, nous n'irons plus au bois, mais c'est devenu une jolie comptine. Et en plus, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, elle est chantée par Francis Blanche. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Nous n'irons plus à la fête, le vent l'a tout emporté, y a plus qu'un vieux manège qui veuille encore tourner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, tournez, tournez, embrassez qui vous voulez, embrassez donc votre cousine, joli cousin aux yeux fous, dansons la capucine, il y a plein d'amour chez nous, mais il y a trop de gens qui nous regardent, il y a le marchand de lacets, il y a le bossu, il y a le gendarme qui dit défense d'aller au bois pour s'embrasser. Nous n'irons plus, gendarme, vous êtes le plus fort, cousin, versez une larme, car notre amour est mort. Payez-moi une glace avec de la pistache, achetez un lacet, étranglez qui vous voulez, ézigouillez le gendarme, ézigouillez le bossu, et faites pipi contre un arbre, puisque nous n'irons plus. Plus au bois, les roses sont tombées, la vieille que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Couper, découper la chanson de notre enfance. Couper, découper en suivant le pointillé. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Francis Blanche s'empare d'une comptine. Nous n'irons plus au bois. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous penchons sur les enfants, mais les enfants de la Renaissance, les enfants du XVIIe, du XVIIIe siècle. Avec vous, Fabien Lacouture. Fabien Lacouture, vous avez étudié la représentation des enfants du XIVe au XVIe siècle en Italie du Nord. Ils sont très nombreux à être représentés, ces enfants. La volonté de montrer un enfant sur un tableau commandé souvent par les parents, c'est-à-dire on veut montrer qu'il y a une transmission, qu'il y a une dynastie, une continuité familiale ? Oui, exactement. C'est l'un des principaux objectifs vraiment de la commande, et notamment de la commande de portraits, puisque c'est vraiment là le genre de tableau dont nous parlons. À la fois, alors il y a... Finalement, les portraits d'enfants, portraits de famille avec enfants suivent les mêmes typologies que le portrait en général, c'est-à-dire un objectif mémoriel, souvent de se souvenir aussi potentiellement de l'enfant. On s'aperçoit, il y a eu une très belle exposition sur les portraits d'enfants en Flandre cette fois-ci, en Flandre et aux Pays-Bas, et les auteurs du catalogue mentionnent que dans la totalité des portraits où l'âge est mentionné entre la naissance et 12 mois. Donc il y a vraiment une volonté de marquer et de garder l'image de cet enfant né et potentiellement effectivement mortel, voire plus que mortel, étant donné les risques encourus à cet âge-là. Il y a effectivement aussi une volonté de filiation et de marquer très clairement à la fois ce que les parents apportent à l'enfant, donc dans la pose, finalement que la pose soit le reflet d'une politique éducative familiale, et aussi évidemment de montrer, surtout lorsqu'on est le commanditaire, et évidemment le commanditaire est à très grande majorité le père, de montrer que on a réussi à avoir des enfants, donc à étendre la lignée, et encore mieux si on a réussi à étendre la lignée avec des garçons. Et là, nous sommes évidemment dans un monde particulier, un monde aristocratique, parce que oui. C'est sûr que ceux qui commandent sont des gens fortunés. Alors il n'y a pas que les aristocrates, il y a les dynasties bourgeoises, les dynasties marchandes, mais cette volonté de montrer l'enfant sur un tableau ne signifie pas qu'il y a du sentiment. Nous allons écouter ce qu'écrivait Sergueï Ouvarov, donc témoin de la vie du prince de Ligne, Charles-Joseph de Ligne. Écoutez ce qu'il écrivait, c'est une lecture de 1962. Le prince de Ligne me racontait quelquefois des détails fort amusants sur son enfance et sa jeunesse, des anecdotes sur son père, le plus hautain et le plus bizarre des hommes, et qui haïssait cordialement son fils. Quand celui-ci fut, à 16 ans, nommé colonel du régiment de Ligne, il écrivit à son père la lettre suivante. « Monseigneur, j'ai l'honneur d'informer votre Altesse que je viens d'être nommé colonel de son régiment. Je suis avec un profond respect, etc. etc. » La réponse ne se fit pas attendre, la voici. « Monsieur, après le malheur de vous avoir pour fils, rien ne pouvait m'être plus sensible que le malheur de vous avoir pour colonel. Recevez, etc., etc. » Témoignage de Sergueï Ouvarov qui nous plonge dans la relation père-fils sous l'Ancien Régime avec cet exemple, celui terrible du prince de Ligne. Nous sentons qu'il n'y a pas un amour très fort, un amour filial entre le fiston et le papa. Guillaume Gros, quand Philippe Ariès s'intéresse à l'enfance et à la vie familiale, il veut voir également s'il y a du sentiment. Le sentiment est une nouveauté historiographique. Cette recherche-là est aussi, de la part d'Ariès, quelque chose qui va faire bouger les lignes d'un monde universitaire auquel il n'appartient pas. Absolument. D'autant qu'il faut relier cette problématique à la naissance alors, non pas des annales en soi, mais de l'histoire des mentalités, mais c'est là où Ariès s'intercale, je dirais, entre les annales de première manière et les mentalités telles qu'on va les connaître dans les années 70 avec les historiens phares qui représentent cette école. Lui, il est, je dirais, un petit peu au milieu. Au départ, on appelle ça pas forcément l'histoire des mentalités, mais l'histoire des sensibilités. Et on retombe en plein dans cette notion d'affectivité. C'est complètement nouveau, cette façon de poser cette question. Et c'est d'autant plus nouveau que le choix des sources aussi est nouveau. Et je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Et ce qui lui a été d'ailleurs reproché par certains historiens, c'est l'éclectisme de ces sources, puisque l'on trouvait absolument tout type de sources, et notamment iconographiques, puisque sa femme était historienne de l'art, elle n'a jamais eu d'autonomie, elle a travaillé pour lui, elle s'est mise à son service. D'ailleurs, c'était un couple qui n'a pas eu d'enfants, et ils ont eu, je dirais, peut-être aussi un surinvestissement sur cet objet. Et d'autre part, moi je vois dans l'intérêt d'Ariès pour cette question de l'affectivité, peut-être aussi une forme de rejet, c'est mon idée, d'une hyper prégnance de son milieu familial qui était aussi un milieu politisé. Donc quelque part, comment sortir? Et la question qui s'était posée, si vous voulez, que je pense de son point de vue, tout partait de ses interrogations à lui. Est-ce que ce que l'affectivité que j'ai vécue dans ma famille a toujours existé, laquelle se doublait chez lui d'une culture politique très forte, extrêmement forte, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, issue d'un milieu d'Action française qui préexiste à la culture d'Action française, puisqu'en fait c'est un milieu royaliste. On lisait l'Action française, il a quasiment appris à lire en lisant l'Action française. Et donc, parmi cette découverte de son sujet, si vous voulez, je pense que de toute évidence, il y a cette question personnelle, car chez Ariès, on ne fait pas de l'histoire, je dirais, comme ça pour passe-temps, mais c'est un choix existentiel, comme il le montre très bien dans Le Temps de l'Histoire, puisqu'il rédige ce livre en 54, assez fascinant là aussi, de voir comment il a besoin de dire pourquoi il fait de l'histoire avant de faire de l'histoire finalement, parce que pour lui, c'est quelque chose de quasiment une raison de vivre. D'ailleurs, dans l'ouvrage que vous préfacez, l'ouvrage de Philippe Ariès, un page retrouvée, Guillaume Gros, c'est vrai que nous avons, ne serait-ce que par les titres de ces pages qui sont retrouvées, Mes combats pour l'histoire, nous sentons l'investissement de Philippe Ariès sur son objet d'étude, en l'occurrence celui qui nous intéresse, c'est l'enfant ce matin, et on aurait pu parler de la mort, mais là c'est l'enfant, et dans la relation, et c'est très intéressant, de l'historien à sa propre vie familiale, ça nous plonge sur la relation que pouvaient avoir les enfants avec leurs parents, Fabien Lacouture. Oui, pour rebondir sur ce que mon collègue disait, il y a aussi, le terme est vraiment problématique, notamment maintenant, c'est-à-dire la question du sentiment de l'enfance. Il faut vraiment, je pense, s'arrêter aussi là-dessus. Sentiment de l'enfance ne veut pas forcément dire affection pour l'enfant. Et il le dit bien, d'ailleurs, ça a été l'une des lectures qui a causé aussi les critiques, qui sont tout à fait recevables par ailleurs, évidemment, et notamment dans les lectures, et je dirais même dans les lectures outre-Atlantique. Il a eu un grand succès aux États-Unis, sans doute sur une première édition qui n'a pas tenu compte ensuite, ou pas trop tenu compte des nuances qu'il a apportées par la suite. Et notamment, il ne dit pas que on n'aimait pas ses enfants. Il dit que, ce qui est aussi contestable, que voilà, l'enfant n'était pas forcément un âge aussi à part entière qu'il pouvait l'être. Ce qui en soi, ce que des sources montrent bien que ce n'est pas le cas. Mais il y a la question de l'affection pour l'enfant n'est pas forcément abordée. Il le dit bien à un moment que oui, bien sûr, on pleurait aussi ses enfants, ce qui fait qu'on revient tout à l'heure à l'extrait, le livre de raison, le livre de raison, c'est un type de source où on note quelque chose et voilà. Et c'est d'autant plus important de noter que l'on pleurait ses enfants qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent, alors qui meurent en bas âge, les morts en couche. C'est quelque chose que l'on doit prendre en compte sans cesse pour comprendre la relation que pouvaient avoir les parents avec leur enfant. Fabien Lacouture, sur la période que vous étudiez, donc qui est, on va dire, la fin du Moyen-Âge et la Renaissance en Italie, le rapport à l'enfant change avec ce paradigme qu'est la mort probable d'un enfant. Quand vous avez des représentations d'enfants sur les tableaux, vous sentez l'enfant qui porte l'avenir de la famille, lui est en vie, ou c'est un enfant symbole, l'enfant juste d'une continuité, c'est l'individu ou le symbole de l'enfant? Je vous répondrai un peu des deux, c'est-à-dire que, et ça dépend aussi des types de représentation. On a une vraie réflexion sur la mort de l'enfant, notamment dans les scènes de mort d'enfants et de résurrection ensuite de ces mêmes enfants par des saints. C'est-à-dire qu'on voit tous les types d'accidents. Didier Lett, qui a parlé hier, a fait un article notamment sur les types de morts des enfants et ces types de morts, que ce soit un enfant tombé dans un puits ou tombé de l'étage d'un immeuble, on les retrouve dans les représentations de mort d'enfants et ensuite ressuscité par des saints. Donc il y a ce corpus de sources-là qui s'intéresse à la mort directement de l'enfant et qui, un peu comme une sorte de catharsis, ensuite ressuscite l'enfant pour montrer, mon hypothèse, justement ce qu'il ne faut pas faire, bien faire attention à ces types d'accidents domestiques pour ne pas qu'ils arrivent finalement. Donc les montrer peut-être pour ne pas qu'ils arrivent. Ensuite, dans les portraits, notamment, et les portraits de famille, oui, on a clairement une volonté à la fois de lien familial qui dépend dans les portraits et de l'âge de l'enfant et du genre de l'enfant. Les petits garçons ne sont pas placés aux mêmes endroits que les petites filles, les filles un peu plus âgées non plus par rapport à leurs petits frères ou à leurs grands frères. Il y a vraiment une sorte de géographie de l'enfant au sein des portraits de famille, et ensuite on a des portraits qui sont uniques, c'est-à-dire notamment comme de Médicis qui demande à Bronzino de représenter tous ses enfants un par un dans les années 1550 environ. C'est vrai que cette étude de l'enfant nécessite une grille de lecture selon le monde social auquel on appartient, selon le genre également, et dans les rapports de l'enfant à l'adulte, entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et son père. Et justement, pour parler du genre, nous allons faire un petit tour chez Sofia Coppola dans le film Marie-Antoinette, au moment de la naissance de la petite Marie-Thérèse. Pauvre petite, vous n'êtes pas ce que l'on désirait, mais vous n'en êtes pas moins chère à mon cœur. Un petit garçon serait fils de France, mais vous, Marie-Thérèse, vous êtes entièrement mienne. Venez la voir. Oh, qu'elle est petite. Regardez ses doigts. Je voudrais la nourrir moi-même. Mais, madame, nous avons la nourrice. Et cela vous est déconseillé, étant donné la fragilité de votre condition. Madame. Sofia Coppola dans le film Marie-Antoinette, qui nous montre comment on enlève à la reine son enfant qui vient de naître. Il y a aussi ça dans la prise en charge de l'enfant. Il y a des normes qui se mettent de plus en plus en place. En l'occurrence ici, ce sont des normes majeures puisque c'est l'étiquette de la cour à Versailles. Philippe Ariès dispose de sources gigantesques. Il travaille sur quelles sources principalement? Guillaume Gros, vous avez évoqué qu'il s'est intéressé à l'iconographie, à la démographie, parce que c'est sa formation d'origine, à tous ces textes dont il dispose, tous ces livres de raison. C'est vrai qu'en s'emparant de cela, il arrive à en tirer des conclusions sur l'enfant. Ces sources, aujourd'hui, sont utilisées par des historiens de l'art notamment. Quelle place Philippe Ariès occupe dans cette redécouverte des sources? Alors, disons qu'il faut revenir au contexte de la publication en 1960. À ce moment-là, finalement, les historiens utilisent peu, à proprement parler, l'iconographie, c'est-à-dire où on est historien de l'art, voilà, et on fait de l'histoire de l'art, voilà. Et Philippe Ariès va complètement, je vais dire, décloisonner. Il va faire sauter ses frontières. Et lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ultra sensibilisé à cette question par son épouse qui a fait des études d'histoire de l'art à Toulouse puisqu'elle était issue d'une famille toulousaine de Saint-Martin. Et de ce fait, je dirais, de cet angle privilégié, il va mettre en avant en permanence cette source-là. Sachant qu'au départ, l'enfant et la vie familiale devait être une histoire des costumes. Il était parti sur cette idée des costumes, ça je l'ai retrouvé quand j'ai classé le fond Ariès, il y a des fiches dans ce sens-là, et dans un bref passage d'un historien du dimanche dans lequel il raconte son itinéraire avec Michel Vinoc, il évoque cette genèse, et je n'avais jamais retrouvé de traces, parce que bon ça c'est ce qu'il dit, puis après il y a la reconstruction, mais effectivement c'était bien son idée, et progressivement du costume, il a glissé à quelque chose de plus large, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté des seules sources iconographique, mais il a balayé le spectre jusque livre de raison, traité d'éducation, enfin tout ce que vous voulez pour aboutir justement à l'affectivité. et de l'affectivité. Nous passons à la représentation avec un cliché peut-être, mais qui n'est pas tellement un cliché, Fabien Lacouture. C'est vrai que nous l'avons tous constaté en visitant les musées. Il y a sur certaines Madones à l'enfant, des enfants qui ressemblent à tout sauf à des enfants. Cette transition du XVIe siècle, de ces enfants qui sont hyper musclés, hyper adultes en fait, et presque vieillards, ces enfants-là sont porteurs de sens également. Oui, exactement. C'est la grande question, la question compliquée de justement quand on se retrouve devant un tableau. Et vous voyez, encore une fois, ça reste quand même une question de Madone à l'enfant. C'est toujours la question du Christ qui cache la forêt, finalement. On a, oui, bien sûr, des représentations d'un enfant qui est aussi plus qu'un enfant. C'est toujours le même problème dans l'analyse, en termes historiques et d'histoire de l'art du Christ, enfant, c'est qu'on a vraiment à la fois, et ça dépend aussi des pays, c'est-à-dire qu'on va avoir une prise en compte, notamment en Italie, à travers la présence notamment des franciscains ou d'ordre religieux qui s'intéressent plus à la question de l'incarnation du Christ. Donc on aura un Christ enfant représenté comme un enfant. J'ai étudié quelques statuettes, par exemple, d'enfants, de Christ enfant. On s'aperçoit que petit à petit, elles sont d'abord langées, puis on retrouve le Christ nu, puis alors qui est à la fois avec un corps d'enfant et, on va dire, des habitudes ou des gestes qui sont celles du Christ, bénissant ou tenant un globe dans la main. Donc on a vraiment cette dichotomie au sein même d'une même figure, finalement. Et ce n'est pas la même chose, par exemple, en Flandre, où on s'intéresse peut-être plus, y compris où on essaye de montrer plus dans les représentations du Christ, peut-être la question du divin et moins la question de l'enfant. La question est très très compliquée. Ils peuvent être laids, puisque c'est le problème, mais s'il y a une explication à ça. Oui, ils sont laids selon nos valeurs, exactement, selon nos représentations de l'enfant. Le chérubin potelé n'est pas toujours la représentation choisie pour le Christ, mais dès lors, j'ai envie de vous demander, Fabien Lacouture, pour les enfants qui ne sont pas le Christ et qui sont représentés sur les tableaux, est-ce qu'on va avoir parfois les mêmes phénomènes, c'est-à-dire représenter un enfant comme un adulte, ou est-ce que les enfants qui ne sont pas le Christ sont représentés vraiment comme des enfants? Je vous dirais, à la fois, parfois, les enfants sont représentés comme des adultes. Il faut aussi tout simplement réfléchir à la question, j'allais dire, de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est aussi un sujet pictural nouveau d'un enfant en tant qu'enfant. Donc les peintres aussi vont petit à petit s'adapter, vont s'entraîner aussi à représenter les enfants. Et moi, je pense qu'ils se sont d'abord entraînés justement sur ce type de statuette. C'est pour ça qu'on a des enfants extrêmement figés, parce que le modèle initial était un modèle sculptural. Et ensuite, petit à petit, on va retrouver des enfants, notamment quand les peintres vont prendre en compte les modèles antiques, notamment des putties antiques, avec plus de liberté, avec plus de un aspect physique plus proche de l'enfant. Et après, sur la question est-ce que c'est un adulte ou non, la question, là, on revient à la question du costume, c'est-à-dire qu'un enfant dans un portrait va être habillé selon le message que l'on cherche à montrer et à faire passer dans le portrait. Donc ce ne sera pas forcément les habits qu'il porte tous les jours, ce sont des habits de représentation, justement. Voilà, tout est question de représentation, en fait, et c'est ce qu'avait également compris Philippe Ariès dans son travail. C'est vrai qu'il y a aussi une qualité de style pour faire passer le message. Vous évoquez, Fabien Lacouture, la difficulté à représenter un enfant pour certains peintres. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus dur que de représenter un visage d'enfant et surtout de l'incarner en tant qu'individu. C'est cet enfant-ci et ce n'est pas un autre. C'est ce regard sur l'enfant qui fait qu'aujourd'hui, la lecture de Philippe Ariès, même si elle est datée, est toujours nécessaire et légitime parce qu'elle apporte ce regard un peu différent sur ce que l'on étudie comme objet d'étude. L'enfant est toujours très dur à percevoir. Guillaume Gros. Absolument, et je voudrais juste revenir sur la question de l'affectivité, c'est-à-dire que le regard qu'on porte sur l'enfant et cette question de l'affectivité aujourd'hui est encore prégnante, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'hyper-affectivité à l'égard de l'enfant. C'est l'enfant du désir, tel que l'a nommé Marcel Gaucher, lequel d'ailleurs étudie pour toute la trame historique de ses travaux l'enfant et la vie familiale, sans forcément le citer, mais il considère que c'est l'œuvre à lire par rapport à cette question. Et aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point, je dirais, sa thèse est pertinente, c'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, au nom de cette obsession de sa réussite, on peut parfois étouffer un enfant, on peut parfois, je dirais, le mettre en porte-à-faux par rapport